Bienvenue sur En Profondeur, l'émission du 1er mai. Donc, c'est le 1er mai dans les rues de ce qu'on appelle Montréal, territoire occupé, Kanengaka, Mohawk, autre, que les, d'autres personnes appellent Mohawk, ainsi que Anishinaabe et ainsi que Iroquois du Saint-Laurent. Même les Wendats se réclament des Iroquois du Saint-Laurent et donc de ce territoire partagé que fut Montréal et qui est encore ce qu'on appelle Montréal aujourd'hui. En territoire occupé, territoire occupé depuis 375 ans, formellement, avec ce qu'on nous rappelle, avec cette fête de la ville de Montréal. Donc, 375 ans de colonialisme, 150 ans ici au Canada, dans ce qu'on appelle le Canada aussi, territoire occupé de plein de peuples. Je fais pas l'énumération aujourd'hui, mais vous pouvez chercher facilement si vous le savez pas déjà. Mais nous sommes dans un 1er mai anticapitaliste, pour certains et certaines. Un 1er mai anticapitaliste appelé, entre autres, à un rassemblement à 18h au Carré Philips, ainsi qu'à un rassemblement à 17h30, donc dans une demi-heure à peu près, un peu moins, au métro Frontenac pour le contingent de l'Est avec, entre autres, l'IWW. Aujourd'hui, c'est une grande journée internationale, une journée de lutte. J'ai sans doute dit fête, c'est comme un mix qu'on fait dans nos têtes, dans beaucoup de têtes en fait, entre cette fête, journée internationale. C'est plus une journée de lutte en réalité à la base. Et pour commencer, je vais rendre l'appareil à la claque, à la convergence des luttes anticapitalistes et leur communiqué. Donc, manifestation 1er mai anticapitaliste, ils sont riches parce qu'on est pauvres et on a raison de se révolter. Rassemblement, comme je vous ai dit, à 18h au Carré Philips, départ à 18h30 pile. Donc, ça veut dire arriver à l'heure. Cette année, les administrations publiques de Montréal et du Canada célébreront dans l'opulence et à grands coups de millions de dollars ce qu'elles appellent leur nation, entre guillemets, et leur ville, entre guillemets aussi. Les priorités de ceux qui nous rabâchent le discours de l'austérité depuis plus de 20 ans deviennent alors très claires. L'austérité pour nous, la fête pour eux et elles, les banquiers, les patrons, les élites locales et les consortiums internationaux profitent de la complexité des administrations publiques pour nous exploiter et nous approfondir. Chaque sphère de nos vies est affectée par ces sangsues capitalistes et cette vermine d'État. Nous sommes en colère et nous nous ferons entendre. Le 1er mai prochain, ne laissons pas les capitalistes nous voler une journée de plus pour leur profit, cette journée est à nous, il faut se la réapproprier. Ça, c'était l'appel au 1er mai d'aujourd'hui, donc, parce que je disais le 1er mai prochain, mais là, on est le 1er mai prochain. Et je poursuivrai avec un énoncé fait par le collectif Amamélis, collectif féministe et anticolonialiste, il y a 12 heures. Bon, il y avait 12 heures quand j'ai imprimé la feuille. Aujourd'hui, 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses, on a une pensée pour celles dont le travail est invisible, non rémunéré et majoritairement non reconnu. De même que pour celles qui vivent des conditions de travail inéquitables, inégalitaires et emplies de harcèlement et d'autres violences. Faut-il vraiment rappeler que les femmes sont payées en moyenne 79% du salaire des hommes à travail égal? Faut-il vraiment rappeler que les femmes sont les plus susceptibles de vivre de la violence, d'être en situation de pauvreté, de vulnérabilité et de dépendance? S'occupent majoritairement du travail invisible, du travail du care, en plus d'occuper les emplois à temps partiel et aux horaires atypiques, assez d'être invisibilisés, dans les luttes communes. Nous allons ainsi commencer l'émission en faisant une entrevue avec Mme Lise Cloutier, qui est coordonnatrice de la table régionale des centres de femmes de Montréal métropolitain et Laval. Mais le temps qu'on communique avec elle, je vais vous faire jouer. En fait, j'ai fait une bande sonore d'une action réalisée par l'IWW concernant l'hôtel Bonaventure, ce que je vais vous faire jouer. Et pendant ce temps-là, je vais communiquer avec Mme Lise Cloutier. La coupe est pleine. Le coût de la vie augmente sans arrêt. Les services publics se font tronçonner. Les personnes assistées sociales subissent des attaques sauvages. Il y a la menace d'une réforme des normes du travail à la sauce patronale qui nous guette. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, tandis que les syndicats et groupes communautaires réclament un salaire minimum à 15 $ de l'heure, les boss et l'État répondent « Vous ne valez guère plus que 11,25 $ ». Comme si ce n'était pas suffisant, le climat social se dégrade. Les discours racistes ont des vastes tribunes. On maltraite la différence. Nous ne tolérons plus ces discours de haine qui se propagent autant dans les médias, les milieux de travail et nos communautés. Nous appelons donc les travailleurs et les travailleuses, ainsi que nos groupes alliés à participer à notre ras-le-bol. Et c'est dans cette optique que nous vous invitons officiellement à vous joindre à nous. Le lundi 1er mai, en après-midi, nous offrirons une bouffe communautaire avec musique et prise de parole dans le quartier Centre-Sud, au parc Médéric Martin. Puis nous nous rassemblerons au métro Frontenac à 17 h pour manifester vers le centre-ville. Si aujourd'hui nous rendons visite à la bourgeoisie là où elle se trouve, ce n'est pas par envie ou par jalousie. C'est parce que nous voulons lui rappeler que nous nous trouverons toujours sur son chemin. Jusqu'à ce que les bonnes choses de la vie soient partagées équitablement, jusqu'à ce que les classes sociales soient abolies, jusqu'à ce que les travailleuses et les travailleurs profitent pleinement du fruit de leur travail, jusqu'à ce que tout le monde ait accès à une piscine chauffée au milieu d'un parc enchanteur. Nous voulons une vie riche, pas une vie de riche. On se voit le 1er mai. Alors merci à l'UWW pour avoir réalisé ce film et cette action, donc à l'hôtel Bonaventure. Parlant d'action, nous sommes au téléphone avec Mme Lise Cloutier. Vous êtes bien là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes la coordonnatrice, comme j'ai dit tout à l'heure, de la table de concertation des centres de femmes de Montréal métropolitain et Laval. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Donc, récemment, vous avez fait une action dans le métro pour dénoncer la réforme de l'aide sociale et aussi les conditions de précarité dans lesquelles vivent les femmes. On est aujourd'hui le 1er mai, c'est aussi une lutte contre la précarité qui existe depuis plus qu'une centaine d'années maintenant. Alors, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur vos dernières actions et ainsi que le contexte dans lequel on se trouve. Oui, en fait, notre action s'inscrivait dans une semaine nationale d'action de tous les centres de femmes à travers le Québec. Contre les mesures d'austérité et leur impact particulier sur les femmes. Alors, nous, à Montréal et Laval, on a décidé d'axer ça effectivement sur les impacts de la loi 25, qui est la réforme d'aide sociale, qui, selon nous, est une mesure, une atteinte, en fait, au droit à l'aide sociale, avec ses règles d'imposer des programmes d'emploi aux nouvelles personnes qui demandent. Alors, voilà, on trouve que c'est ça, c'est une atteinte au droit à l'aide sociale, une atteinte, puis ça peut renforcer, en fait, on peut parler peut-être de, c'est quoi la réforme d'aide sociale? Oui, allez-y. En fait, la réforme qu'elle instaure, c'est d'imposer aux nouvelles personnes qui demandent l'aide sociale des programmes d'emploi, ils appellent ça « objectif emploi ». Ils veulent forcer les gens à retourner à l'emploi en leur les obligeant de suivre des programmes d'employabilité. Et que si ces gens-là, pour une raison ou une autre, ne participaient pas à ces programmes-là, leur maigre chèque de, je le rappelle, 623 $ par mois pourrait être coûté jusqu'à 399 $ par mois. Alors, c'est déjà très difficile de survivre avec ce montant-là d'aide avec l'aide sociale pour les personnes qui sont classées aptes au travail. On trouve que de vouloir faire une atteinte à ça, ça n'a pas de bon sens. Pour les femmes en particulier, nous, ce qu'on dénonçait, c'est aussi des programmes qui ne s'adaptent pas à certaines réalités. Par exemple, les femmes seraient forcées ou seraient tentées à pas vouloir quitter, mettons, un conjoint violent par peur de se retrouver obligé à suivre un programme d'employabilité en peu de temps. Voilà. Il y a aussi des personnes analphabètes qui sont jugées selon ces programmes-là aptes à l'emploi et qui ont besoin de suivre des programmes pour apprendre à écrire, à lire, pour pouvoir suivre pouvoir obtenir un emploi avec de bonnes conditions. Et seraient forcés à se rendre rapidement dans un programme. Bref, on trouve que c'est des atteintes au droit à l'aide sociale, puis on vise encore les plus démunis, et on trouve ça épouvantable. Donc, ça rend les femmes encore plus vulnérables à toutes les formes de violence qui s'exercent contre elles? Oui, on trouve que les mesures d'austérité en général... Bon, celle-ci en particulier, la loi d'aide sociale, on trouve que c'est une forme de violence de la part de l'État envers les femmes. C'est une violence économique, mais envers les femmes et envers l'ensemble des personnes plus démunies. Et on accuse le gouvernement, dans ses choix politiques, d'instaurer des mesures d'austérité. Et ce n'est pas de cette année, là. Ça fait quelques années que ça s'accentue avec ce gouvernement-ci. Et on trouve que c'est des formes de violence et que ça vise les personnes qui sont les moins nantis dans notre société. Oui, les oppressions s'accumulent. Puis on peut dire aussi que la précarisation des femmes est aussi souvent une condition de précarisation pour les enfants. Aussi, oui, effectivement. Puis vous parliez tantôt qu'on est le 1er mai, hein, c'est la Journée internationale des travailleurs travailleuses. Et nous, les femmes, en fait, une des conditions qui a permis à beaucoup de femmes d'avoir des bonnes conditions de travail, c'est beaucoup la syndicalisation. Grâce à la syndicalisation, je pense que ça procure de meilleures conditions. Et les milieux les plus syndiqués, c'est beaucoup les milieux de santé et services sociaux. Et beaucoup de femmes se retrouvent encore dans ces domaines d'emploi-là. Et qu'est-ce qui a été coupé ces dernières années, particulièrement par notre gouvernement libéral, c'est beaucoup de postes en éducation, en santé, dans les services publics. Et c'est pour ça qu'on dit que ça vise particulièrement les femmes, ces mesures d'austérité-là. Et bien sûr, nos enfants, les enfants, parce que ils se retrouvent dans des milieux plus pauvres, plus précaires, et voilà. Puis en plus, les femmes, celles qui ne se retrouvent pas dans les postes syndiqués, ben, malheureusement, c'est majoritairement des femmes qui se retrouvent dans des emplois plus précaires, des emplois à temps partiel, des emplois non syndiqués. Il y en a beaucoup aussi, et elles sont visées par la pauvreté. Contre cette misère et les violences qui s'engendrent, il y a aussi la résistance qui s'organise, comme vous avez parlé de la semaine d'action. Quelles sont les formes d'action dans lesquelles les femmes et autres personnes peuvent s'impliquer? Qu'il y a eu la semaine passée ou en général? Vous pouvez parler de la semaine passée si vous voulez revenir là-dessus, mais en général, oui. Oui, en fait, c'est de s'inscrire dans ce mouvement social de lutte contre l'austérité, contre les inégalités de richesse, parce que on vise dans ces mesures d'austérité-là les plus pauvres, mais c'est pour ça sert à qui ce genre de coupure-là ou ce genre de ça sert aux plus riches. On veut baisser les impôts des plus riches, on veut contribuer principalement. Si je regarde les mesures fiscales, c'est encore les personnes plus riches qui s'en sauvent. Toutes les mesures d'évitement, d'évasion fiscale, ça existe. Alors, si on veut résister, puis on veut s'impliquer, je pense qu'il faut d'abord y croire. D'abord, croire qu'on peut être un grain de sable dans l'engrenage, puis que dans les centres de femmes, vous savez, nous, on dit seul, c'est difficile. Ensemble, tout est possible. Ensemble, on va plus loin. Donc, c'est de sortir de son isolement, c'est de sortir de son sentiment d'impuissance, puis de se mettre ensemble soit avec les l'ensemble des groupes communautaires, groupes populaires, les groupes d'action communautaire, c'est impliqué dans les centres de femmes, entre autres, il y en a près d'une centaine au Québec. À Montréal, il y en a une quinzaine dans presque tous les quartiers. On peut s'y impliquer. On peut s'impliquer aussi dans les luttes d'alliance entre le mouvement étudiant, le mouvement populaire, le mouvement syndical, à travers, par exemple, il y a une coalition qu'on appelle, nous, la coalition Main Rouge, qui est une coalition opposée à la privatisation et la tarification des services publics, parce que ça fait partie de nos revendications. Bon, avec notre action, nous, la semaine passée, on veut que la loi 25 soit abolie, mais on veut plus largement un plus grand investissement par le gouvernement dans les services publics et les services sociaux. On trouve que c'est un choix politique. C'est le rôle du gouvernement de protéger, de redistribuer la richesse et de protéger les plus démunis, ce qu'il ne fait pas. Alors, c'est à nous à établir un rapport de force puis de le forcer à faire ça. Puis c'est pas parce qu'il y en a pas d'argent, il y en a de l'argent dans notre société. Puis avec, entre autres, la coalition Main Rouge, on est sorti des solutions fiscales qui pourraient être appliquées s'il y avait une volonté politique. Merci. Si les femmes veulent vous joindre, comment elles peuvent le faire? Elles peuvent, en fait, je peux donner mon numéro de téléphone. Moi, je suis comme la coordonnatrice, mais je peux comme les diriger vers leur centre de femmes ou vers un groupe, une ressource. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-267-4597. On a aussi une page Facebook, Table Centre de Femmes Montréal-Laval, pour celles qui sont sur les médias sociaux. Bien, merci beaucoup, Mme Lise Cloutier. Bien, merci à vous. D'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, bon 1er mai. Merci, bon 1er mai. Au revoir. Alors, vous écoutiez Mme Lise Cloutier, coordonnatrice de la table régionale des centres de femmes de Montréal métropolitain et Laval, qui nous parle de l'importance de la résistance contre la précarisation des femmes et de la lutte des femmes en général. Donc, nous allons continuer avec le 1er mai. Nous allons rejoindre notre collègue Eva dans les rues de ce que nous appelons Montréal, territoire occupé, donc, que j'ai dit. Et nous allons, avec elle, parler du 1er mai. Mais avant de parler avec Eva, nous allons vous faire entendre une chanson qui est parue hier sous forme de vidéo avec les paroles inscrites visuellement, qui s'appelle 1er mai de Saez. Je sais pas si on prononce Saez ou Saez. En tout cas, je pense que vous aurez compris de qui je parle. C'est une excellente chanson. Par contre, il y a un mot qui malheureusement est souvent utilisé en France et qui est très péjoratif et homophobe, disons-le, qui est le mot enculé dans la chanson. Alors, je voulais faire un trigger warning par rapport à ça. Sinon, la chanson est absolument fabuleuse, mais ce mot-là devrait pas y être. Alors, je m'excuse pour les auditeurs, les auditrices que ça offenserait, mais voici cette chanson. J'ai rêvé d'un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi, oui, que le solidaire, oui, de se partager un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leur pognon pour en faire un feu pour réchauffer le sans-abri quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation, amis, le 1er mai, pour dessiner un horizon pour nos humanités. Toujours le cœur contre le front, ouais, lâche-moi ton briquet. Toujours le cœur contre le front, moi j'ai le poing levé. Sur les réseaux, la fachosphère vient toujours gangréner le cœur de mes humanitaires, envie de tout casser. Contre les barbares de la terre, amis, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès, contre les maquerelles du pognon, contre les croix gammées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, nos univers écartelés, entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers. Si c'est toujours toi populaire contre la société, nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, tes bonheurs bon marché, les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité. L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier, nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un 1er mai. S'il faut cramer la financière, ouais, lâche-moi ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon c'est la galère, ouais, pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un 1er mai. Ami, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier. Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts. Avec le peuple enfant des plaines ou celui des quartiers. Avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers. Avec le peuple camarade qu'on vient le 1er mai. S'il faut monter la résistance contre les enculés. Amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer. Des sourires des politicards, des sourires de banquiers. S'il faut garder le cœur anard, garder le poing serré. Un jour j'irai brûler la bourse, ouais, lâche-moi ton briquet. Avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée. Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer. Un peu commune, égalitaire, oui, fleur d'humanité. Pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet. Dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté. Dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté. Personne, vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait faire? Alors, nous sommes avec Eva, toujours sur CKUT 90.3 FM, en profondeur. Mm-hmm. Eva, t'es avec nous? Oui, je suis là. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe en ce moment autour de toi? Oui, alors là, je suis donc au métro Frontenac. Donc, il y a premièrement un rassemblement avec une fanfare et tout ça, donc à peu près 100 personnes. Donc, pour la manif et le rassemblement anticapitaliste. Et de l'autre côté, juste en face, il y a le syndicat des travailleurs et travailleuses indépendants, je dirais 100-150 personnes qui sont rassemblées pour dénoncer le capitalisme et l'impérialisme. Donc voilà. Et là, je suis en train d'essayer de chercher des personnes pour les entrevues. OK. Est-ce que tu voudrais un peu de temps? On ferait jouer les fragments d'une histoire du 1er mai qui dure 6 minutes, puis on reviendra à toi? Ce serait c'est bon ça, pour toi, j'aimerais ça? J'aimerais bien. Oui, ok. Bon, on va faire jouer ça. Merci beaucoup. Ben de rien. À tout de suite. Alors, comme je disais, on va jouer les fragments anarchistes du 1er mai, réalisé par Jean-Michel Vizaine, qui nous raconte, donc, comme je dis, l'historique du 1er mai. Et nous allons aussi finir l'émission. J'ai oublié de le dire. Je suis parti sur les chapeaux de roue aujourd'hui dans l'émission. Parce que j'étais très stressé, ça fait comme la moitié de ma vie que je fais des émissions, mais je suis encore full stressé à chaque fois que j'en fais une. Mais, en tout cas, cette fois-ci, vous allez écouter Jean-Michel Vizaine, notre collègue qui était ici aussi, qui reviendra sûrement ici à CKUT, mais qui en ce moment est en France et qui a réalisé ses fragments. Printemps 1886 aux USA. Le mouvement pour la réduction du travail à 8 heures par jour s'est maintenant largement répandu dans tout le pays. Le 1er mai, la Fédération américaine du travail, ou AFL, qui a maintenant 5 ans, appelle à une grève générale et nationale, partout où les 8 heures ont été refusées. Même si les leaders des chevaliers du travail ou de la confrérie des ingénieurs du rail sont contre, leurs assemblées générales, faites d'ouvriers, votent pour la grève. C'est comme cela que 350 000 travailleurs, issus de 11 562 organisations, stoppèrent le travail et occupèrent certains lieux. À Chicago, toutes les voies ferrées sont bloquées et toute l'industrie de la ville est paralysée. La réponse organisée par un comité de businessmen se traduit par la mise en alerte des milices d'État ainsi que de la police locale. Il est alors écrit dans un article du Chicago Mail « Gardez un œil sur les leaders anarchistes Albert Parson et August Spies et tenez-les pour responsables si des incidents ont lieu. Faites un exemple de leur cas si nécessaire. » C'est en effet sous le leadership des anarchistes Parson et Spies qu'une résolution avait été prise dès l'année précédente en accord avec le Central Labor Union ainsi que 22 autres syndicats. En voici à peu près le contenu. Qu'il soit entendu que nous appelons urgemment la classe des salariés à s'armer de manière à être capable d'avancer le seul argument efficace que nos exploiteurs comprennent, la violence. Et qu'il soit aussi entendu qu'en dépit du fait que nous attendons peu de la journée de 8 heures, nous promettons d'assister solennellement nos frères les plus démunis dans ce combat de classe par tous les moyens possibles dont nous disposerons. Et cela, aussi longtemps qu'ils reconnaîtront notre ennemi commun, à savoir ces vagabonds aristocratiques et exploiteurs. Notre cri de guerre sera « Mort aux ennemis de la race humaine ». Le 3 mai, une série d'incidents se produit. Incidents qui mettent les deux leaders anarchistes Parson et Spies exactement dans la position qui avait été suggérée par le Chicago Mail, à savoir celle des responsables. En effet, ce jour-là, devant l'entreprise des moissonneurs McCormick, où les grévistes sont en train de se battre avec les briseurs de grève que l'on surnomme les jaunes, la police se met à tirer dans la foule, tuant 4 grévistes et en blessant un grand nombre. Spies, le leader anarchiste, fou de rage, fait immédiatement imprimer un tract en anglais et en allemand, où l'on peut y lire « Vengeance, vous avez enduré les plus abjectes humiliations, vous travaillez jusqu'à vous tuer, vous avez sacrifié vos enfants à l'usine, vous avez été de misérables et obéissants esclaves toutes ces années, et tout cela pourquoi ? Pour satisfaire la cupidité sans limite de vos maîtres et voleurs, et pour remplir leurs coffres. Quand vous leur avez demandé de diminuer votre peine, ils ont envoyé la police pour vous tirer dessus. Vengeance, aux armes, venez armés. » Un meeting est alors organisé à Haymarket le soir du 4 mai. 3000 personnes y assistent calmement. Avec l'heure tardive et l'arrivée d'un ciel orageux, la foule se met à se disperser pour finir par ne compter que quelques centaines de personnes. C'est alors que 180 policiers arrivent pour demander la fin du meeting, qui est d'ailleurs sur le point de s'achever. C'est alors que soudainement, une bombe explose au milieu des policiers. Elle en blesse 66, dont 7 mourront plus tard. La police se met alors à tirer et tue un grand nombre de grévistes et en blesse plus de 200. Sans aucune preuve ou indice, la police arrête alors 8 leaders anarchistes et le Chicago Mail titre « Le procès des anarchistes devra être court et expéditif ». La loi de l'Illinois stipulant que toute personne appelant au crime est aussi coupable de crime, les 8 anarchistes sont condamnés. Ils ne le sont pas pour leur crime, car 7 d'entre eux ne se trouvaient même pas sur place ce jour-là, le seul sur les lieux ayant été celui qui faisait un discours lors de l'explosion. Ils sont tout simplement condamnés pour leurs idées et pour ce qu'ils représentent. L'appel fut aussi rejeté. Cet événement et ce simulacre de procès donnent alors lieu à un tollé mondial, avec des manifestations en France, en Hollande, en Italie, en Russie, en Angleterre et ailleurs. Mais rien n'y fait. Un an plus tard, 4 des 8 anarchistes sont pendus. Albert Parson, August Spies, Adolf Eicher et George Engel. Louis Ling, un charpentier de 21 ans, se fait exploser avec un bâton de dynamite dans la bouche en prison. L'exécution retentit bien sûr de manière internationale et un défilé de 25 000 personnes accompagne le cortège lors des funérailles à Chicago. De nombreuses personnalités internationales manifestent leur colère, dont le célèbre Pierre Kropotkine. Sur place, l'effet immédiat est bien sûr la suppression par les autorités de ce mouvement radical qui avait inspiré tant de révoltes chez de nombreux travailleurs et notamment chez les jeunes. À ce sujet, la piste de l'infiltré ayant agi sur ordre de la police pour donner à cette dernière les motifs valables pour la chasse aux anarchistes se trouve être rapidement l'hypothèse la plus possible. Mais malheureusement, cette piste ne fut jamais officiellement explorée. 3 ans plus tard, en 1889, le Congrès de l'Internationale Socialiste réuni à Paris décidera de consacrer chaque année la date du 1er mai, journée de lutte à travers le monde. Le 1er mai fut célébré pour la première fois en France en 1890. Pour la petite anecdote, les USA sont un des rares pays à ne pas le fêter. Vous entendez ces fragments d'une histoire anarchiste du 1er mai de Jean-Michel Vizaine. Vous pouvez retrouver Jean-Michel Vizaine à vizaine.com. Alors maintenant, nous sommes de retour avec Eva. Eva, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Oui, alors le micro est à toi. Alors là, je suis donc avec des membres du syndicat des travailleurs WWW. Donc, je vais faire une entrevue. Donc, ça va être anonyme et avec Adam, qui ne veut pas être anonyme, donc c'est très bien. Donc, bonjour à tous les deux. Pourquoi déjà cette manifestation? Alors, aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc c'est le jour des travailleuses et des travailleurs. Donc, étant donné que nous sommes tous des travailleuses et des travailleurs, ben, on est là solidaires pour manifester, pour avoir des meilleurs droits. Peux-tu dire quelque chose, non? Oui, bonjour à tous les travailleurs et travailleuses qui nous écoutent, chômeurs, chômeuses ou sans papier. Aujourd'hui, on prend la rue, on prend le temps de prendre une journée, de faire grève, de se questionner ensemble, de prendre la rue, à savoir quels sont nos droits aujourd'hui en 2017 et de revendiquer un peu plus loin, en fait, de continuer le combat à tous les 1er mai depuis quelle année? Là? Depuis 1886, on prend la rue. En 2017, la lutte continue plus que jamais. Avec, on le voit, les gouvernements de droite qui s'alignent dans plusieurs pays. Nous, on laisse pas ça passer. On sait que la force ouvrière est toujours là. Et on essaie juste de la mobiliser un peu plus aujourd'hui. Là. Donc, qu'est-ce que vous revendiquez lors de cette manifestation? Seulement le capitalisme ou l'impérialisme ou d'autres problématiques de société? C'est vraiment une lutte qui est générale et qui s'adresse à tous les gens qui sont victimes du capitalisme. Donc, on va aider les personnes qui sont victimes du racisme institutionnalisé. On va aider les gens qui sont marginalisés à l'emploi, qui sont marginalisés à cause de leur sexe, à cause de leur orientation sexuelle. Toutes les personnes qui sont opprimées. Donc, on est là en solidarité. On est là parce qu'on a le privilège d'être là pour ceux qui peuvent pas. Quel va être l'itinéraire de cette marche aujourd'hui? On n'a pas dévoilé d'itinéraire parce que les policiers sont souvent au service des riches, donc on préfère ne pas collaborer avec ces personnes. Et souvent, ils écoutent la radio, alors c'est mieux si vous ne l'avez pas divulgué, de ne pas le dire en ondes non plus. Pardon, Christian, je... Ah, c'est pas grave, tu peux continuer. D'accord. Juste, donc, www, tu peux développer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est le site en français, le Syndicat industriel des travailleuses et des travailleurs, ou en anglais, qui est le IWW, le Industrial Workers of the World. Donc, c'est un syndicat ouvrier. Notre but, c'est d'organiser des milieux de travail, de syndiquer des gens et de gagner des meilleures conditions de travail pour tous. Donc, on pratique aussi le syndicalisme de solidarité. Ça, c'est en dehors du syndicalisme corporatiste, comme qu'on voit depuis peut-être les années 50-60 au Québec. Nous, on s'organise sur le fondement même du syndicalisme, les organisations industrielles du milieu de travail et l'action directe. Donc, nous, on revient à la base de ce puis on redonne des lettres de noblesse au syndicalisme. Alors, l'action directe, ça sent quoi? Alors, à l'instar de vouloir signer une convention collective qui va limiter les capacités d'action des travailleuses et des travailleurs et leurs camarades quand il y a grief ou matière à faire la grève. On va décider à la place d'agir directement. Donc, ça va être soit des grèves, des lignes de piquetage, on va faire des actions, on va aller occuper des endroits, vraiment redonner le pouvoir aux travailleurs. Est-ce que vous êtes ouvrier vous-même? De quoi vous souffrez tant au niveau des conditions de travail? Ben, écoutez, c'est sûr que si on voit ça, faut pas voir ça d'une base individuelle. Là, on pense que le salaire minimum à 10, c'est 10,75$, c'est pas suffisant, puis on veut le manquer, on veut le manquer pour tous et tout. Pour ma part, je travaille dans la construction. Donc, bon, c'est quand même un bon salaire et tout, mais bon, le milieu est gangréné, c'est financé par l'État qui graisse les poches au passage. C'est, tout le monde est un peu conscient de ça. Là. Il y a plusieurs raisons pour prendre la rue. Mais on fait pas ça en tant que on peut pas régler tout en même temps. Nous, on est un syndicat ouvert à tous et toutes. Et on invite le monde à joindre avec nous. Là. On sait que dans la classe ouvrière, on retrouve toutes les capacités pour s'auto-gérer et s'éduquer par nous-mêmes le plus possible. Pour ma part, je travaille au niveau du service dans une épicerie au salaire minimum. Mon boss, il a 30 millions en poche, mais il nous dit qu'on ne vaut pas plus que le salaire minimum. Alors, moi, je vis avec des collègues. Ma collègue, elle a 50 ans, elle a sa petite fille, elle a sa voiture puis son appartement. Ils ont coupé ses heures à 30 heures semaine. Puis, elle a travaillé tout ce qu'elle peut dans notre système capitaliste, elle accumule des dettes. C'est pour ça qu'il faut augmenter le salaire minimum, au moins. Le salaire minimum, vous voulez l'augmenter à 15$, c'est ça? D'accord. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour finir? Non? Merci beaucoup. Merci. Oui, Christian? Oui. Là, je vais essayer de trouver d'autres personnes pour les entrevues. Donc, on va peut-être écouter un peu de musique maintenant. OK. Donc, mais par contre, il faut finir à 45, alors le temps file un peu. D'accord. Parce qu'il y a une chronique à la fin de l'émission. Mais il n'y a personne de près ou il n'y a pas des choses que tu aimerais dire en ce moment? Si, d'accord. Mais, juste là, en ce moment, il y a deux mouvements. Enfin, je vois le IWW et de l'autre côté, il y a d'autres personnes. Qui sont ces personnes? Mais notre contingent est syndicaliste et antifasciste. Donc, on va retrouver des groupes syndicalistes, des groupes communautaires, des groupes antiracistes, des groupes anarchistes, des groupes antifascistes. Donc, vraiment, des groupes féministes aussi, des groupes de revendications LGBT. On a vraiment des gens, on a des gens aussi de SOS Itinérance. On a des gens qui sont pour des travailleurs pour les agences de placement. On a des groupes aussi pour aider les personnes à mobilité réduite. Et tout ça, on est tous là. Merci. Est-ce que Christian, tu aurais une question à poser? Non, pas particulièrement. Je pense que ça décrit bien ce qui se passe, en fait. Alors, bon 1er mai à tout le monde. Est-ce que... Attends, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, toi? Attends, non? Je te donne le téléphone. Merci. Je voudrais remercier tout le monde à l'écoute. On vous passe un message. Le WWE Montréal, je vous remercie à tous et toutes encore une fois. On sait que la coupe est pleine, la classe ouvrière est plus capable d'en prendre, les taux, tout augmente, les loyers augmentent, les salaires restent les mêmes. Ça peut plus continuer, là. On brasse la cage un peu. Nos meetings sont ouverts à tous et toutes. Informez-vous sur votre branche locale. Merci à tous et toutes. Merci à vous. Merci. Donc, c'était tout le temps qu'on avait, Eva. Merci beaucoup. De rien. Alors, le 1er mai continue. Vous pouvez aller au métro Frontenac pour le contingent de l'Est. Sinon, plus tard, ça sera au Carré Philips à partir de 6h. La manifestation devrait partir à 6h30 pile, comme c'est dit dans le communiqué. Alors, bon 1er mai. Alors, vous écoutiez Eva, notre collègue stagiaire ici à CKUT. Nous allons écouter maintenant la chronique de Benjamin. Notre nouveau collègue depuis quelques émissions. Donc, Benjamin, nous sommes toujours sur CKUT 90.3 FM, dans ce qu'on appelle Montréal.

de la table des centres de femmes du Montréal métropolitain et Laval. Et on vous rappelle donc que c'est la manifestation du 1er mai aujourd'hui, donc aussi la manifestation anticapitaliste, parce qu'il y a la parade syndicale, mais il y a aussi la manifestation capitaliste du 1er mai, qui a lieu ce soir, donc à 6h30 pile au Carré Phillips. Il y aura rencontre dès 6h là-bas. On vous invite à vous y rendre si ça vous tente. C'est toujours une journée importante, une journée d'action, mais l'action ne peut être que la continuité d'action. Et le 1er mai est une journée très symbolique d'action, mais le 1er ne peut exister que dans le cadre de la lutte continue révolutionnaire des peuples anti-impérialistes, anticapitalistes, anticolonialistes, antipatriarcales, et bien d'autres anti que j'oublierai de vous dire maintenant, mais je vais vous laisser avec l'international, parce que l'international, c'est aussi lié au 1er mai et à la fin, à l'international des travailleurs et des travailleuses. Donc, avec cette vieille version de l'international que j'adore, qui est avec Marc Augeret. La fin, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. On recommence. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons... Donc sur cette international, vous écoutiez en profondeur le 1er mai à CKUT 90.3, CKUT.ca sur l'Internet. Alors, au revoir, et pour ce qui nous concerne, au mois de juin, la première semaine probablement, nous vous retrouverons. Alors, merci encore à tout le monde, au revoir. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Comprimer la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux pas de devoir sans droit.